بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. N'as-tu pas vu ce que fit ton Seigneur aux compagnons de l'éléphant ? ألم يجعل كيدهم في تضليل. N'a-t-il pas déjoué leurs intrigues ? وأرسل عليهم طيرا أبابيل. En leur envoyant des nuées d'oiseaux. ترميهم بحجارة من سجيل. Qui leur lançait des pierres argileuses. فجعلهم كعصف مأكول. Il les rendit tels des brindilles mâchées et recrachées.